Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour débuter l'émission, nous vous proposons un détour sur le drapeau européen qui fait polémique en France parce qu'il comportait un symbole religieux. Oui, et on peut se demander ce que la science vient faire là-dedans. En fait, c'est une réflexion du sociologue français Gérald Bronner qu'on peut lire dans le numéro de décembre pour la science. Alors d'abord, à quoi ressemble le drapeau européen? Petit rappel, donc c'est un cercle de 12 étoiles jaunes sur fond bleu. Et ce drapeau européen figure à l'Assemblée nationale en France et certains ont demandé qu'il en soit retiré à cause de son origine religieuse. C'est bizarre, mais ça me rappelle quelque chose. Effectivement, ça nous rappelle un certain crucifix. Mais où est la religion dans le drapeau européen, Valérie? Oui, je me suis posé la même question. Ça m'intriguait quand, au fur et à mesure que je lisais l'article. Alors, ce drapeau aurait été inspiré d'une médaille religieuse et soi-disant miraculeuse. Donc, cette médaille aurait été frappée après qu'une sœur religieuse ait eu une vision de la Vierge Marie. Ensuite, la médaille aurait été distribuée durant une épidémie de choléra et aurait permis des guérisons miraculeuses à certains porteurs de cette médaille. Et sur cette médaille, donc sur une face, il y a une représentation de la Vierge Marie. Et au dos, il y a divers symboles, dont une croix et un M un peu entremêlés. Et surtout, 12 étoiles qui représenteraient les 12 tribus d'Israël. Bon, donc on voit le point commun, les 12 étoiles entre le drapeau européen et cette fameuse médaille. Et l'auteur du drapeau européen, qui s'appelle Arsène Haitz, était très catholique. Et il a dit, plusieurs années après l'adoption du drapeau, s'être inspiré de la représentation de la Vierge entourée d'étoiles. Bon, ceci dit, il y avait plusieurs propositions quand on trouve quand on veut déterminer un symbole ou il y a plusieurs propositions. Donc il y avait plusieurs propositions de drapeau sur la table. Il y a eu tout un processus de vote. Et selon Gérald Bronner, il serait quand même surprenant que l'origine religieuse, bon, déjà fallait la connaître et que cette origine religieuse ait pesé dans le vote final. Bon, mais comme tu le disais au début, qu'est-ce que la science vient faire dans toute cette histoire? Eh bien, selon Gérald Bronner, c'est un cas d'exaptation sociale. Alors ça nous... Exaptation, c'est ça. Voilà, exaptation puis sociale. Alors, c'est quoi l'exaptation? Eh bien, ça fait appel à nos connaissances en évolution. Donc, en évolution, l'exaptation, c'est une adaptation pour acquérir une nouvelle fonction à partir d'un organe, mais qui, à l'origine, servait à autre chose. Donc, par exemple, les plumes. Donc, les ancêtres des oiseaux ne volaient pas, mais ils avaient des plumes. Or, si l'évolution a donné des plumes à ces vieux oiseaux, c'est certainement que ces plumes leur donnaient quand même un avantage sélectif, mais manifestement, cet avantage n'était pas le vol, puisque ces oiseaux ne volaient pas. Donc, la sélection naturelle a fait que ces oiseaux à plumes, même s'ils ne volaient pas, donc, ont eu un meilleur succès reproducteur et s'en sortaient mieux que ceux qui n'en avaient pas. Alors, à quoi leur servaient ces plumes? L'hypothèse, c'est que ça servait à maintenir leur température corporelle. Et puis, plus tard, au fil de l'évolution, il s'est avéré que les plumes pouvaient aussi permettre le vol, bon, moyennant d'autres modifications du corps de l'oiseau. Donc, la première fonction des plumes a été détournée pour le vol. Donc, le vol, en fait, est une exaptation à partir des plumes. Donc, ce qu'il faut retenir de l'exaptation, c'est que la fonction initiale d'un organe et la fonction présentes peuvent ne pas avoir de lien entre la thermorégulation, là le fait de manière sa température et le vol, a priori l'un n'entraîne pas nécessairement l'autre, il n'y a pas de lien direct. Donc selon Gérald Bronner, le même phénomène d'exaptation existe dans la culture et dans les phénomènes sociaux, d'où l'expression d'exaptation sociale. Alors si on suit cette logique, le drapeau européen sera un exemple d'exaptation sociale. C'est bien ça, oui. Donc, on a un motif initial avec les étoiles, qui est peut-être d'origine religieuse. Et Gérald Bronner dit que cela ne fait pas du drapeau européen un symbole religieux. Donc, le drapeau a bien été adapté d'un motif religieux, mais c'est pas pour cela qu'aujourd'hui, il a une fonction religieuse. De même que les oiseaux ne volent pas pour maintenir leur température corporelle, même si les plumes ont servi à l'un et à l'autre. Ce n'est pas pour... maintenir, se garder au chaud que les oiseaux volent. Et Valérie, est-ce que ce phénomène d'exaltation sociale est fréquent? Ben, en fait, selon Gérald Bronner, oui. Ah. Et bon, il en donne un exemple qui est très parlant et qui est un grand exemple avec Internet. Donc, le développement d'Internet, à l'origine, c'est une idée de la défense américaine qui voulait améliorer son système de communication. On était dans le temps de la guerre froide. Et est-ce que ça a fait des... Et aujourd'hui, Internet est utilisé par tout le monde et ça ne fait pas de nous, utilisateurs quotidiens d'Internet, des êtres belliqueux. Pas on n'a pas d'intention militariste en utilisant Internet. Et donc, est-ce que les pacifistes réclameraient l'arrêt d'Internet parce qu'initialement, il a été développé à des fins militaires? Non. Finalement, on est capable de dissocier complètement la fonction d'Internet, la fonction... au quotidien, aujourd'hui, actuel d'Internet, à sa fonction, c'est ça. Il a été créé au départ. Voilà, exactement. On est capable de faire la distinction. Donc, c'est peut-être la même chose avec l'origine du drapeau européen et sa fonction symbolique aujourd'hui de rassembler les pays de l'Union européenne. Donc, Gérald Bronner en conclut en fait que les expériences présentes d'un symbole ou d'une institution ne devraient pas être jugées selon une fonction du passé. Effectivement, c'est une réflexion qui montre comment des ponts peuvent s'établir entre des disciplines qui n'ont rien à voir a priori les unes avec les autres. C'est ça, entre l'évolution et puis finalement la sociobiologie. C'est assez curieux que les sociologues aient récupéré cette théorie de l'évolution. C'est ça. Et de l'origine religieuse, sûrement, Alors, merci beaucoup, Valérie. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, je vous parlerai d'un cas d'un patient qui a reçu un traitement pour guérir une maladie génétique rare.